السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dernière fois, on n'avait pas eu le temps de prendre le 29e hadith. Donc, on va le prendre aujourd'hui. Bismillah ta'ala. Yaqul al-musannifu rahimahullah ta'ala. Donc, al-hadith al-tasi'u wal-ishruna. 29e hadith. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استمسحك فانسح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le droit du musulman sur le musulman est au nombre de 6. Il est interrogé, et quels sont-ils ces droits? Il a dit, si tu le rencontres, passe-lui le salam. Si il t'invite, alors réponds à son invitation. S'il te demande conseil, alors conseille-le. Et s'il éternue et qu'il loue Allah Azawajal, alors shamithu. C'est le doigt qu'il faut faire à celui qui dit Alhamdulillah. On va citer Inch'Allah par la suite. Et lorsqu'il tombe malade, rends-lui visite. Et s'il meurt, suis son cortège funéraire. Non. طبعاً هذه الحقوق ces droits ce sont des droits qui certains sont des obligations individuelles et d'autres sont des obligations communes. بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية. فقال أولا إذا لقيته فسلم عليه. Donc le premier, si jamais tu le rencontres, passe le salam. فإن السلام سبب المحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. Donc ce salam que l'on se passe, c'est une cause d'amour. Cet amour qui engendre la foi. Et cette foi qui permet d'entrer au Jannah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui dont mon âme est dans sa main, que vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vais-je pas vous informer d'une chose? Cette chose, si jamais vous la faites, vous vous aimerez. Il a dit, répandez le salam entre vous. Donc ce salam, c'est une chose qui doit se répandre à grande échelle. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma hadratkum al-yahud ala shay'in kama hadratum ala taslim ou ala al-ta'min wa salam. Que les yahoud ne vous ont pas jalousé pour une chose comme ils l'ont fait pour le salam qu'on se passe entre nous et pour le amin qu'on dit à la fin de l'Fatiha. Après, dans ce hadith, il a dit que c'est un droit de passer le salam aux musulmans. Et en fait, ça c'est un love. En vérité, l'obligation, comme cela a été dit dans le verset et dans d'autres hadiths, c'est de rendre le salam. C'est ça qui est obligatoire. Si demain tu rencontres un musulman et tu ne passes pas le salam, tu n'as pas de péché. Mais tu auras fait une chose qui n'est pas recommandée. Ou plutôt, tu auras délaissé une chose qui est recommandée, je veux dire. Par contre, là où ça devient obligatoire, c'est si jamais lui te passe le salam que tu ne le rends pas. Là, tu auras commis un péché. La vraie obligation, c'est de rendre le salam. Mais passer le salam en lui-même, c'est une chose qui est fortement recommandée, qui n'amène que du khayr. D'ailleurs, j'étais fortement surpris dans ma venue, lorsque je suis venu en France, de la froideur qu'il y a chez beaucoup de musulmans, qui ne se passent pas le salam, voire pire encore, tu leur passes le salam, ils te disent bonsoir, bonjour. Ils te parlent comme si tu étais un kafir. Wali azabillah. Tu le regardes, j'allais des fois dans les stands, dans les lieux de commerce tenus par des musulmans, je dis salam alaikum, il me dit bonjour, il me dit bonsoir, comment tu vas? Et là, il me propose sa marchandise. Ça, c'est choquant. Pour eux, c'est rien. Ils sont tellement habitués à avoir des échanges avec les koufars qu'ils mettent tout le monde au même niveau. Et ils ont honte de dire salam devant les koufars. De dire salam alaikum, certains, ils ont honte. C'est comme s'ils disaient, j'ai honte de montrer que je suis un musulman. Alors que ce salam, comme le hadith l'explique, qu'il est une cause qui amène l'amour entre nous. Et cet amour qui fait augmenter la foi. Et cette foi qui nous fait rentrer au Jannah. فالسلام حق للمسلم وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها وخير الناس من بدأ بالسلام. Donc rendre le salam, c'est un droit. Et on doit rendre le salam soit de la même manière qui nous a été donnée ou soit de meilleure façon. Ça veut dire, il y a trois façons de passer le salam, en réalité. Tu peux te dire, assalamu alaikum. Toi, tu réponds, alaikum assalam. Ou tu peux dire également, répondre mieux en disant wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Et mieux encore, wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Tout comme on peut commencer le salam par ces trois formules. Et plus on en dit, plus on a de récompense. Et on peut dire assalamu alayk et on peut dire assalamu alaykoum. Même à une personne. On peut le dire sous la forme du pluriel. Après, ce sont d'autres règles qui sont liées au salam. Naam. Al-thaniya, s'il t'invite, alors réponds à son invitation. Donc si jamais un musulman t'invite à manger, à boire ou autre, alors réponds à son invitation. Car il t'aura honoré en faisant cela. Et en refusant, tu l'auras vexé. Tu l'auras vexé, et éviter de vexer le musulman est une chose qu'on doit faire attention à ne pas vexer notre frère inutilement comme ça. Donc, on doit répondre, sauf si on a une excuse. Par exemple, tu jeûnes. D'accord? Tu fais doa pour lui, tu lui expliques que tu jeûnes, donc, préfère jeûner. À savoir que si jamais tu romps ton jeûne et que tu manges avec lui, tu es également récompensé. Ou alors que cette invitation amène à un mal. Il t'invite à un lieu qui est haram ou une occasion qui n'est pas légiférée. D'accord? Là, tu peux refuser. Ça rentre dans l'excuse. Ou tu as une chose à faire importante, tu ne peux pas, tu es occupé. Tu as le droit. Mais si jamais tu es disponible et que tu ne jeûnes pas et qu'il n'y a aucun mal derrière, alors il faut répondre. Tant qu'il n'y a pas de machaque non plus. D'accord? Par exemple, c'est trop loin ou... c'est compliqué pour te rendre là où il t'a demandé d'aller, ce genre de choses, ça rend dans l'excuse. Sans quoi, si la chose elle est facile et accessible, alors faut répondre. Ne serait-ce qu'il t'invite à boire un verre d'eau, va boire un verre d'eau. Et aussi, on dit aux frères, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Man kana yu'minu billahi wa yu'minu akhi falukrim daifa » Celui qui croit en Allah au jour dernier, que l'honore son invité. Honorer l'invité, c'est une chose qui est recommandée en religion, qui est parmi les choses de la foi. Cependant, il ne faut pas que les gens non plus se surchargent. Et de là, ils n'invitent pas sous prétexte qu'ils disent « je n'ai rien à offrir à mon frère ». Wallah, si tu l'offres un verre d'eau en étant sincère, crois-moi que tu es récompensé. Ne te dis pas « si j'ai pas telle boisson ou tel plat ou telle nourriture, ça sert à rien que je l'invite ». Et là, tu peux l'inviter même pour un verre de lait et des dattes. D'accord ? Après, si tu as les moyens de l'honorer plus, honore-le plus. Ibrahim a honoré deux invités en faisant égorger un veau entier pour eux. Donc cela fait partie du noble caractère. Mais si tu ne peux pas, ne te dis pas, si je n'ai pas de quoi l'honorer comme toi tu le conçois, alors je ne l'invite pas. D'accord? Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois il était invité pour des repas modestes, il répondait, car il était modeste, lui-même. D'accord? Il répondait à l'appel. Ou toi, pareil, si quelqu'un t'invite, tu dis « Ouais, mais lui, je connais, quand il nous invite, c'est pas trop bon ou c'est pas terrible. » Vas-y quand même. Tu réponds à l'appel de ton frère, tu vas manger chez lui, et après, si ça passe, ça suffit, bah, tu vas manger autre chose en plus derrière. Mais au moins, réponds à son appel. D'accord ? Réponds à son appel. Et des fois, les gens donnent pas grand-chose, non pas qu'ils... Des fois, ils ne peuvent pas. ils n'ont pas les moyens. Et puis tout le monde n'a pas forcément non plus les mêmes talents culinaires. Et ainsi de suite. Le but là, c'est de répondre à l'appel. D'accord ? De répondre à l'appel. Yaqul al-thalitha qawluhu wa idha istansahaka fansah la. Si jamais tu demandes conseil, alors conseille-le. Idha shawaraka ala 'amali min al-a'mal هل يعلم أي يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحبه لنفسك. فإن كان العمل نافعا من كل وجه، فحثه على فعله. وإن كان مضرا، فحذره منه. ونحتوى على نفع أو ضرر، فشرح له ذلك. ووازن بين المصالح والمفاسد. Donc maintenant, si jamais demande conseil, pourquoi demande conseil? Parce qu'il te fait confiance. Il te juge comme étant digne de pouvoir le diriger. Donc il est de ton rôle de le conseiller. Et tu le conseilles dans quoi? Dans ce que tu aimerais pour toi-même, une vraie nasiha. Le bien que tu souhaiterais pour toi-même, alors tu le diriges vers lui. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihim yuhib al-nafsi » Qu'aucun d'entre vous ne croira concrètement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc si jamais il te demande conseil pour un travail, quelque chose... Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la chose? Conseille-le sincèrement. Si tu vois qu'il y a un bien, alors encourage-le. Tu vois qu'il y a un mal, alors mets-le en garde. Et si jamais tu vois qu'il y a les deux, un mal ou un bien, alors c'est à toi de peser entre le pour et le contre, de lui exposer cela, de lui dire, voilà, maintenant à toi de juger par rapport à ça. Et aussi, les gens, tu les conseilles en mesure de leur foi, leur niveau de foi. D'accord? Les gens ne sont pas tous pareils. Il y a des gens, des fois, juste que toi, tu pourrais faire, lui, tu sais qu'il ne pourra pas la faire. Ne le pousse pas à la faire. Ne pousse pas à la faire. D'accord? Peut-être que cette personne n'a pas ton niveau à toi. Mais toi, par lui, en mesure de ce qu'il pourra comprendre. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « Kallimu nas bima yafhamu, et tuhibbun an yukadzab Allahu wa rasoulu » Parlez aux gens comme ils comprennent. Ou plutôt, c'est Ali qui dit ça à Afwan. Ali qui disait, « Parlez aux gens comme ils comprennent. Est-ce que vous voulez qu'on démente Allah ou son messager ?» N'encourage pas les gens à faire un acte que tu vois qu'ils ne sont pas aptes à faire. Ou autre. Ou d'autres, tu vois qu'ils ont meilleur niveau que toi, encourage-les à faire. Si toi, tu n'arrives pas à le faire, tu sais que lui pourra le faire, encourage-le à le faire. Par exemple. D'accord ? Mathalan. Chacun en mesure de ses capacités. Yaqul, كَذَلِكَ وِذَا شَاوَرَكَ عَلَى مُعَامَلَةٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ تَزْوِيجِهِ أَوْ تَزَوُّجْ مِنْهُ فَابْذُلْ لَهُ مَحْدَ نَصِيحَتِكَ. كَذَلِكَ, si Amit te demande, par exemple, un conseil pour une relation qu'il aura entreprendre avec quelqu'un. Ou alors, pour marier quelqu'un, ou pour se marier lui-même. D'accord ? Là, tu dois le conseiller. Il veut, par exemple, entreprendre un projet commercial avec une personne que tu connais. Et il te demande, que penses-tu d'un tel ? Sois sincère et dis ce que tu sais. Là, ce n'est pas du riba, c'est là quelqu'un qui demande un bayan, une nasiha. Si tu sais qu'il est malhonnête, ou qu'il n'est pas sérieux ou quoi, déconseille-le. Et si tu vois qu'il est apte, conseille-le. Ou si toi, tu vois que lui qui te demande conseil, il n'est pas apte à suivre le rythme de l'autre. L'autre, tu sais, par exemple, l'autre, il est très sérieux, tu vois. Il est mouchetaïd, il est perfectionniste. Et ceux qui demandent conseil, il est un peu laxiste. N'encourage pas à rentrer avec l'autre, parce que l'autre, tu vas pas le suivre. Et ça va mal finir entre vous, peut-être. Par exemple. D'accord? Toi, tu fais les choses en mesure de tes connaissances, en les temps véridiques. Et qu'à valide pour le mariage. Quand on demande conseil pour le mariage. Est-ce que tu connais un tel? Je voudrais marier un tel à ma sœur ou à ma cousine. Qu'est-ce que tu connais de lui? Ne cache pas ce que tu connais de lui, sans exagérer non plus. Faut pas que ça rentre dans le personnel. Par exemple, tu as eu un problème avec lui, tu veux te venger, tu dis lui, je le connais, il a ça, ça. Non. Là, tu parles de façon neutre, de conseil sincère. Ou tu vois un frère qui va se marier avec une femme. Et cette femme-là, tu vois d'elle des signes qui ne te plaisent pas ou tu vois que ça va pas avec le frère. Dis-lui, Yahri, cette femme-là, elle n'est pas pour toi. Pourquoi? Elle a telle et telle et telle chose comme manquement. Ou le contraire. Toi, Yahri, cette sœur-là, je vois qu'elle a un niveau en avance, tu ne corresponds pas. Par exemple, je sais pas, tu vois une sœur, machallah, tu la connais de réputation, elle est droite, elle porte le hijab chadri, tu la vois vraiment mustaqima, et un frère, il vient, il est encore tout nouveau, tout frais dans la religion, il a encore des choses haram sur lui, il se rase, il est mousbil, il parle encore à l'ancienne, il dit je marie avec elle. On va dire non, Harry, cette femme-là, ce n'est pas pour toi. Cette femme-là, elle a un niveau en religion, tu risques de la freiner si elle se met avec toi, par exemple. Ou il se peut que toi, un rythme que tu n'arrives pas à suivre et qui amène à des déboires plus tard. Prends une femme à ton niveau. Tu vois. Parce que t'en as plein des fois, je les voyais en France, ils me disaient, ouais, je marie avec une femme comme ça, comme ça, comme ça. Je les regardais, je dis, ah, mais si tu veux une femme comme ça, déjà toi, sois comme ça en premier lieu. Il faut que tu correspondes avec la femme avec qui tu es. Toi, tu veux une femme inchallah en gilbeb, chalri, couverte, et toi, t'es là en jogging, basket, casquette. Ça va pas le faire. Ça, c'est vraiment deux mondes différents. C'est pas sérieux. Tu vois. Donc, toi, déjà, commence dès maintenant à te mettre droit, et il se peut qu'Allah Azawajal par la suite, d'accord, le toffé d'avoir une femme qui va aller avec ton niveau de foi et de pratique. Et kazalik, il y a une chose que j'ai constaté qui commence à devenir un petit peu trop répandue. Ce sont des frères qui demandent à se marier avec des kitabiyat, avec des chrétiennes. Avec des chrétiennes. Et ça, sachez-le que c'est une chose qui est détestable. C'est une chose qui est permise à la base, mais qui est détestable. D'ailleurs, Omar, radiallahu anhu, à son époque, interdisait cela. Pourquoi? Non pas qu'il rendait cela haram, mais vous voyez que si jamais les hommes se marient avec des chrétiennes, les femmes musulmanes auront qui pour se marier. Donc il empêchait que cela ne s'accomplisse. Et vous verrez que beaucoup de ceux qui demandent des femmes chrétiennes, vous avez souvent affaire à plusieurs cas. Soit c'est quelqu'un qui avait sa petite copine qui veut garder avec lui, d'avant son repentir ou d'avant son islam, il veut rester avec elle. D'accord? Ou alors c'est quelqu'un qui a vu une femme qui lui plaît, qui l'a côtoyée, forcément, à son travail, je ne sais où, dans la mixité ou à l'école, elle lui a plu, c'est-à-dire qu'il a rencontré de façon non légiférée, maintenant, elle lui a plu, il est tombé amoureux d'elle, il se marie avec elle. Et il se dit, oui, j'ai droit de me marier avec une chrétienne, elle est chrétienne. Vous voyez que souvent, cela, ça revient avec des shahawats, soit des, à cause de plaisir ou d'ignorance, ou alors, une faible ambition religieuse. Une très faible ambition religieuse. Car celui qui a une ambition religieuse, il ne pourra pas concevoir de se marier avec une femme qui ne sera pas de sa religion. D'accord? L'enfant, quand il va grandir, c'est un enfant, comment ils vont l'éduquer? Sur quoi ils vont l'éduquer? Toi, t'es musulmane, elle est chrétienne. Ça va se passer comment? Ça va finir en discorde à la maison, forcément. Et l'enfant, miskin, il sera complètement perturbé entre une mère qui est chrétienne et un père qui est musulmane. D'accord? En plus, souvent, il faut savoir une chose, c'est que les chrétiennes qui sont permises, ou les juives, qui sont permises de mariage, ce sont des femmes qui sont attachées à leur religion. Des femmes qui n'ont pas de petits copains, qui ne forniquent pas. D'accord? Et en plus, comme l'a dit Ibn Abbas, ce sont des femmes qui mangent halal. Les gens du livre, à la base, ils mangent halal. Maintenant, il n'y a que les juifs qui le font. Les chrétiens ne mangent pas halal aujourd'hui. Ils mangent n'importe quoi. Taïeb, ça c'est une chose. Donc ces femmes chrétiennes, c'est une femme normalement à la base, elle est chaste. C'était pas une femme qui était ta copine d'avant, qui a fait je ne sais quoi avec toi, et elle connaît pas le mot Toba. Toi, tu fais Toba, elle n'a pas fait Toba, elle. Ou des gens qui se disent, j'ai espoir, après elle va se convertir. C'est possible, mais c'est rare. Et généralement, ça se passe pas comme ça. Généralement, ça se passe pas comme ça. Donc, faut que la personne soit un peu raisonnable. Le frère, quand il se marie, son but, c'est de quoi? De se préserver, déjà au niveau physique, et de avoir pour niya de bâtir un foyer, et de faire que Allah lui permette d'avoir des enfants qui seront des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De augmenter le nombre de la Ummah. Avec une femme nasraniya, tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu vas mettre au monde des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu auras sur ton toit un ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on dit c'est permis, mais ce n'est pas tout ce qui est permis qui est convenable, forcément. D'accord? Après, dans les cas où quelqu'un ne trouve personne, il est dans un pays, par exemple, où il n'y a que des chrétiens, il n'y a pas de musulmans, là, on dit, voilà, à ce moment-là, tu peux. Donc, tu n'as pas besoin dans le haram. Mais dans des pays comme la France, tu as plein de sœurs. C'est rempli de sœurs. Et des gens, ils disent, ouais, mais les sœurs, elles sont tellement, tellement faibles en foi que je préfère une chrétienne. On dit, toi, tu es un menteur en disant cela. Tu es un menteur. Parce que même si elles sont faibles en foi, elles sont toujours plus fortes qu'une chrétienne. Ça restera toujours une croyante. Tu espères qu'une muslima soit droite, et si elle ne l'est pas, tu n'en veux pas d'elle, et tu vas aller prendre une qui est pire encore plus loin, en disant que la première, elle n'est pas assez droite pour toi, mais l'autre, c'est carrément une kafira. Quand tu vas dire, crains Allah, qu'est-ce qu'elle va te dire d'après toi? Quand tu vas sortir les versets, qu'est-ce qu'elle va te dire d'après toi? Donc, comme on dit, akara dararein, le moindre des deux mots, la muslima, même si elle n'est pas droite, sera forcément plus appropriée pour toi que la chrétienne. Et il faut pas me faire croire qu'il y a aucune sœur en France qui ne soit vraiment, qui soit inapte à se marier, c'est pas vrai ça. C'est complètement abusé de dire cela. Donc souvent, ça vient des shahawats. D'accord? En plus, quelle jalousie tu as, ta femme chrétienne, tout le monde la voit. Elle est découverte, les cheveux, elle se maquille, elle sort pas habillée comme, même en abaya, le sujet polémique de ces jours-ci, même l'abaya la portera pas. T'as pas de jalousie qu'on voit ta femme, et des gens parlent avec elle, et que tu crois qu'elle va pas serrer la main aux hommes, normal, au travail, la mixité, voir que c'est haram, tout ça? C'est une kafira, elle verra pas ce que tu vois, toi. Donc, forcément, c'est que tu vas devenir quoi? Un dayouth. un homme sans jalousie blâmable à cause d'elle. Donc que les frères là-dessus ils soient un petit peu réfléchis avant de faire ce genre de d'entreprendre ce genre d'acte. Vous voyez, quitte à prendre une muslima qui une fois faible sera meilleure que toi que prendre une qui est kafira de base. Non. طيب يقول الرابع quatrième droit قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته. Lorsqu'il éternue et qu'il dit alhamdulillah, alors tu le fais le tashmit. Tashmit, c'est de dire يهديكم الله أو يرحمكم الله. D'accord, tu le dis يرحمكم الله, que Allah te fasse miséricorde. Et toi à ce moment-là tu le dis يهديكم الله يصلح بالكم, que Allah vous guide et vos réformes, vos actes. Donc, on nous dit cela, yalhamukullah, que à celui qui a dit alhamdulillah. S'il ne l'a pas dit, on ne le dit pas. Et kazalik, ce n'est pas la sunna de dire à quelqu'un qui n'a pas dit alhamdulillah, dis alhamdulillah. Ce n'est pas sunna de dire ça. S'il dit alhamdulillah, tu lui dis yalhamukullah. S'il ne dit rien, tu ne dis rien. Et si elle te dit pourquoi tu ne dis pas yalhamukullah, tu dis parce que tu n'as pas dit alhamdulillah. Donc le fautif, c'est celui qui a éternu, qui n'a pas loué Allah Azzawajal, c'est lui. Car en faisant cela, déjà, il se prive d'avoir loué Allah, et il se prive d'une invocation en sa faveur qui pourrait être exaucée. Non. Et sachez que l'éternuement, c'est la première chose que notre père Adam, alayhi salam, il a faite, après que le souffle de vie lui a été insufflé. C'est éternuer. Éternuer, c'est une ni'ma d'Allah Azzawajal pour sortir et évacuer les choses qu'il y a dans notre corps, de façon qu'ils ne soient pas douloureuses. C'est pour ça qu'on loue Allah Azzawajal, tout comme on loue Allah Azzawajal après avoir bu, après avoir mangé. Éternuer, c'est un soulagement. Et en plus, un soulagement qui n'est pas douloureux. Non. Yaqul, al-khamisa qawluhu wa iza marida fa'iduhu. Et si tombe malade, alors rends-lui visite. Yaqul, iratul marid min hukuk al-muslim. Khususan man lahu haqqun 'alayka muta'akkidun kal-qarib was-sahib wa nahwihima. Donc, la visite aux malades, c'est une chose qui fait partie des droits du musulman. Tout particulièrement celui qui a un droit sur toi, comme par exemple un proche parent ou ton ami, que tu connais beaucoup. Et donc, cette visite, c'est un fard kifai. C'est une obligation commune. C'est-à-dire que si certains le font de façon suffisante, l'obligation yani, est soulevée des autres. Ils n'ont pas à le faire. Mais si personne ne le fait, alors tout le monde endosse le péché. D'accord ? Tout le monde endosse le péché. Après, comme le dit l'auteur par la suite, que rendre visite aux malades, c'est une chose qu'il faut faire à juste dose. Tu vois, des gens, des fois, ils sont malades, la visite ne convient pas, ça les fatigue. Ils ont mal, ils ne veulent pas parler. Donc à ce moment-là, rendre visite est à éviter. Ou tu as des gens, il faut les visiter, mais de façon modérée. Car des fois, ils sont malades et tout le monde vient les voir. Ça enchaîne, visite après visite. La personne, elle est fatiguée. La personne, elle est fatiguée et toutes ces visites-là, ça la fatigue. Donc, il ne faut pas en faire trop non plus. Et kazalik, tu te poses avec lui à un temps limité. Ce n'est pas tu viens, il est malade et tu restes avec lui des heures. Sauf si lui te demande de rester avec lui sans seul et qu'il a besoin de compagnie, là, c'est autre chose. Sans quoi il est malade. Le malade a besoin de se reposer, ça c'est connu. Et kazalik, tu lui donnes des paroles bonnes, optimistes. D'accord ? C'est pas tu viens, tu te plains et tu te racontes tes problèmes et il m'arrive ça. Il est malade, il a besoin d'entendre une parole qui le réjouisse, qui l'aide à reprendre la forme. Donc déjà, tu lui rappelles de faire tawba, d'accord ? De faire l'istighfar, car cela sont parmi des choses. Cette maladie, ça peut être une cause d'expiation des fautes. Tayeb, ou ça peut être également des conséquences de péché qu'il a fait. Et ainsi de suite, donc faire le rappel. Et tu lui dis, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la best au hul, inshallah. En lui disant, que cela est cette maladie t'expie tes fautes. Et quand on dit Inch'Allah, là, c'est pas un doa. Parce que les gens croient que ça veut dire, c'est un doa de dire la best of all, Inch'Allah. C'est pas un doa. C'est une information. Tu informes que Allah Azawajal expie ses fautes. Pourquoi? Parce qu'on peut pas dire Inch'Allah dans un doa. On dit pas Inch'Allah dans un doa. Ce n'est pas permis. Donc là, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Zara d'Arrajul wa qalallahu la best of all, Inch'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a visité un homme qui était malade, il lui a dit la best of all, Inch'Allah. Ça prouve que, ce n'était pas un dua qu'il a fait, mais c'était un khabar. Il a informé que cette maladie, ce mal te touche, explique tes fautes si tu as la levée. Ce n'était pas une demande, c'est une information. Non. والسادسة sixième droit قوله وإذا مات فاتبعه. Si jamais il meurt, alors suit son cortège funéraire. فإن تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر. فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. Et celui qui suit une, qui fait la salle sur un mort musulman, il aura un qirat de ajr, de récompense. Et ce qirat, ça a été expliqué comme étant l'équivalent de Uhud, la montagne de Uhud qui est le Médina. Et celui qui le suit, qui fait la salle sur lui, qui le suit en plus, il a deux qirat en récompense. En récompense, subhanallah. Donc, ce n'est parmi les droits également, la salle janaza, c'est un fard kifai. C'est une obligation qui est commune. Si certains le font de façon suffisante, les autres n'ont pas à le faire. Mais si personne ne le fait, toute la Ummah endosse le péché. Taïb. Maintenant, un tambih par rapport à ces droits cités là dans le hadith, ce sont les droits qui sont par rapport aux musulmans. Mais dans, des fois, ces droits-là peuvent être soulevés, comme par exemple quand on a affaire à un fasiq ou un mubtadi'. Par exemple, le mubtadi', tu lui fais le hajj, tu ne lui rends pas le salam. Le fasiq, kazalik, tu peux lui faire le hajj, le boycotter, tu ne lui rends pas le salam. Si tu es malade, tu ne lui rends pas visite. Et si jamais il meurt et qu'il faut l'enterrer, d'accord, certaines personnes doivent le suivre, mais toi, par exemple, tu peux ne pas le faire. Par quoi? Par réprimande, pour montrer que cet homme-là, c'était une personne qui n'était pas bien. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà délaissé la salat janaza sur des gens qui étaient morts sur les grands péchés. Sans tauba, bien sûr. D'accord? Pour montrer quoi? La réprimande. Maintenant, ça ne veut pas dire que personne ne doit faire la salade sur lui. Non, il faut que des gens la fassent quand même, mine de rien. Il faut qu'il soit lavé, qu'on fasse la salade sur lui, qu'on l'enterre. Mais si toi, la personne de droiture, qui a une certaine influence sur les autres, tu le délaisses, alors cela est meilleur. D'accord? Principalement, les gens du mal et les gens de la bid'a. D'accord? Les gens du mal et les gens de la bid'a. Non. Toyeb. Thumma nakra al-hadith al-thalathin. 30e hadith. Yaqulu عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Selon Abu Musa رضي الله عنه, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que si jamais le serviteur tombe malade ou part en voyage, il lui sera écrit ce qu'il faisait comme œuvre alors qu'il était résident ou en bonne santé. Et le hadith est rapporté par le Bukhari. D'accord? C'est-à-dire, celui qui avait l'habitude de faire des choses, ces choses-là, elles sont écrites, si jamais il a une excuse qui l'empêche de les accomplir. Awalan tambih. Ce hadith, bien que rapporté par le Bukhari, c'est parmi les hadiths qu'on appelle muntaqada. C'est-à-dire, les hadiths sur lesquels il y a des choses à redire. Car ce hadith, comme l'a dit Dar al-Qutni, comme nous l'ont dit nos machères, le Dar al-Qutni qui est parmi les imams du hadith, il a dit qu'en réalité, ce hadith, ce n'est pas un hadith, mais c'est une parole de Abu Burda. En fait, c'est un affaire qui est mawquf, c'est la parole de sahabi. Ce n'est pas un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un peu comme ce hadith qui est soi-disant attribué au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bon islam de la personne qu'elle délaisse ce qui ne la regarde pas. En réalité, ce n'est pas un hadith, c'est une parole de Abu Huraira. La parole, elle est authentique. Mais ce n'est pas une parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens, il est réel. Et bien là, c'est pareil. Cette parole-là, c'est une parole de sahabi, dont le sens est réel, mais ce n'est pas un hadith nabawi, un hadith prophétique. Mais cette parole-là, elle a d'autres, ce qu'on appelle des shawahid, d'autres hadiths qui en témoignent, que son sens, il est réel. D'accord? D'abord, ce qu'il faut tirer comme hikmah de cette parole, c'est que celui qui avait l'habitude de faire une chose, Allah Azza wa Jal, par sa grande miséricorde, si cette personne-là est dans l'incapacité de faire cette chose-là, malgré elle, alors cela lui est quand même compté. Mais Shawahid al-Ad al-Athar, par exemple, il y a le verset où Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nabiyyu, qul liman fi aydikum min al-asara, in ya'lami Allahu fi qulubikum khayra, yu'tikum khayran mimma ghiza minkum wa yaghfir lakum. Oh, prophète, dis aux prisonniers, aux captifs que tu vois qui sont entre tes mains, que si Allah sait qu'il y a dans vos cœurs du bien, alors il voudra un meilleur que ce qui vous a été pris. Ça veut dire que ce dont tu as été privé alors que tu voulais du bien, D'accord ? Allah te rendra par meilleur. Kazalik, il y a ce hadith, il y en a un qui est rapporté par Anas, et l'autre, j'ai oublié. Je crois que c'est Jabir. Non, c'est Jabir. Lorsqu'il revenait de Ghazwat Tabuk, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna la khalfana rijalan bil Medina, ma qatartum wadiyan, wa la salaktum shib, shi'ban, illa wa hum ma'akum. أو إلى شرككم في الأجر وقال حبسهم العوز أو المرض. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم lorsque des sahabi revenaient de la bataille de Tabuk, il a dit qu'il y a des gens qui sont restés derrière le Médina. Vous n'avez pas parcouru de vallée ni coupé de chemin sans que ces gens-là n'aient été avec vous en réalité et qu'ils participent avec vous dans la récompense. Il dit, ils ont été retenus par une excuse ou par la maladie. Ce sont des gens qui, à la base, voulaient partir en bataille avec les compagnons, mais qui n'ont pas pu, pour raison, légiférer. Malgré cela, Allah Azawajal sait qu'ils étaient sincères, qu'ils voulaient y aller, et qu'ils avaient peut-être l'habitude de partir en conquête. Cette fois-ci, ils n'ont pas pu. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'ils ont la récompense. C'est comme si c'était avec vous. D'accord? Donc, c'est-à-dire que toi, des fois, tu as des choses que tu as l'habitude de faire. Tu n'as pas pu les faire pour X raisons, des raisons religiférées, alors ne te dis pas « Ah, j'ai perdu ma récompense, tu n'as rien perdu. » Auprès d'Allah Azzawajal, ça reste écrit, ça reste compté pour toi. « Adhan rahmatillahi Azzawajal » par sa grande miséricorde. D'accord ? Donc ce qui encourage les gens qui, lorsqu'ils sont aptes à agir, qu'ils le fassent. Car le jour où ils ne pourront plus le faire, et bien cette récompense perdurera et persistera. Et la sera écrite même par la suite. Là, c'est magnifique. Donc, dès maintenant, agis pour ne pas être par la suite privé de cet acte, malgré toi, et d'en perdre la récompense. D'accord ? Cela revient au cours qu'on a pris précédemment sur le fait de faire plus d'efforts dans les actes surrogatoires. Et chacun à son niveau. Car par la suite, cela te sera écrit. Le jour où tu ne pourras pas la faire, cela te sera écrit. Il sera compté. Car Allah Azawajal sait que tu voulais le faire, mais tu n'as pas pu le faire. Comme celui qui est malade, qui fait la salat assis, sa salat, tu le comptes comme s'il était debout. D'accord ? Celui qui est malade, qui l'a fait coucher, Allah lui compte comme s'il était même debout. Et ainsi de suite. Wa'akaza. Ou comme les femmes, par exemple, qui des fois se disent, quand elles font Ramadan, ou qu'elles jeûnent, et après elles ont leur menstrue, elles ne peuvent plus jeûner, faire salat. Allah Azawajal, c'est lui qui a décrété que la salat soit interdite pour la femme qui jeûne. Ce n'est pas la sœur qui a laissé la salat en elle-même. Donc Allah, il sait que malgré elle, elle voudrait continuer. Donc ce n'est pas perdu pour elle, le hajj auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou comme ces femmes qui veulent absolument aller au mosdid alors que la salat chez elle, elle est meilleure. D'accord ? C'est Allah Azawajal qui a décrété que la salat chez la femme, dans sa chambre, était meilleure pour elle. Même à Mecca ou à Medina, c'est meilleur pour elle que d'être au mosdid al-Haram ou au mosdid al-Nabawi. Rendez-vous compte. Donc, elle ne se croit pas qu'elle est privée. Tu n'es pas privée, Yaourti. Ton âge était écrit pareil en ayant obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'il ait permis à la femme d'aller au mosdid, s'il n'y a pas de fitna, si elle demande la permission. Mais le faire comprendre que ne crois pas que ce soit le meilleur pour toi en réalité d'y aller. Ce qui est meilleur pour toi, c'est faire salat dans ta maison. Et que ta récompense est aussi grande que celle de l'homme qui ira au mosdid. Non. Taïeb, j'aurais aimé prendre le hadith 31. Pour compenser le manque de la semaine dernière, mais je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, ce serait plus raisonnable. Ah, aussi, la semaine prochaine, Bizina Ta'ala, on fera des durus hawla ahkam al-Eid. On fera des durus par rapport au règle du Eid qui arrive très prochainement, d'accord, d'ici à peu près 2 semaines, moins que 2 semaines même. Ça va être le Eid, donc il y a des règles à connaître. Ceux qui les connaissent, ce sera un rappel pour eux. Ceux qui ne connaissent pas, ce sera un apprentissage. Et également par rapport aux règles de sacrifice, l'adhiya. Car j'avais fait des doulous déjà à l'époque là-dessus, mais c'était tiré du livre de Mohamed ibn Hizam, et cet homme-là a dévié depuis, Adahullah, donc j'ai dû retirer tous les audios. Donc il faut les refaire. Car les gens ont besoin de savoir ces règles-là. Elles sont importantes. Voyez, je suis fait aussi un rappel pour ceux qui comptent égorger, pour le Eid. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 27. Donc d'ici 3 ou 4 jours, on rentre dans le char de Zilkiyada, Zilhijja, Donc celui qui aura l'intention de jeûner, de sacrifier, je veux dire, Afwan, qu'il sache qu'il n'aura pas le droit de se couper les cheveux ou les ongles, ou de prendre quoi que ce soit comme poil de son corps ou de sa peau. Donc anticiper, car des fois on oublie, et après on se retrouve avec des ongles un peu longs, c'est gênant, ou des poils qui sont gênants, on ne peut pas les en retirer jusqu'à ce que vienne le jour du sacrifice. Donc c'est juste pour un rappel pour les frères et les sœurs qui comptent sacrifier. Et cet acte n'est valable que pour Sahib al-Adhiya, celui qui va égorger. Dans la maison, c'est l'homme, à la base. Si jamais c'est l'homme qui paye de ses biens pour avoir la bête à sacrifier, c'est lui seul qui doit ne pas se couper les cheveux, les ongles et autres. Pas sa famille. D'accord ? Par contre, maintenant, c'est une sœur. C'est elle qui paye le mouton, car la femme a le droit de payer. D'accord ? C'est pas interdit. Elle veut faire du khayl, elle veut le hache de la récompense. Ou c'est une femme célibataire, elle veut son mouton, ou son bouc, ou sa chèvre, ou quoi qu'est-ce, elle veut la récompense. Alors ces règles s'appliquent sur elle également. Elle n'aura pas le droit de se couper les ongles, d'accord, ou autre. Les choses qui est de retirer tout ce qui est de la peau. Même ça revient à retirer la peau, ça rentre également, par exemple, les petits bouts de peau qu'on a sur le côté des ongles, ou s'arracher les peaux des lèvres, par exemple. Ou des fois se gratter de la peau, il y a un truc qui dépasse, tout ça, ça rentre dedans, faut pas retirer. D'accord, sauf s'il y a vraiment une gêne et il y a un besoin physique à cause d'une douleur ou autre. Là, c'est autre chose. Et Kazalik, s'il y a, mais il y a des gens qui comptent mandater des personnes pour elle à l'étranger pour égorger pour elle, que ce sont elles, ces personnes-là qui ont payé l'animal, qui devront également sur qui s'appliquent ces règles et pas celui qui est mandaté à l'étranger. Par exemple, toi, tu es en France, tu as mandaté un frère au Mali d'égorger pour toi. D'accord. Et ben toi, à partir du premier de Zilqi'ada, Zilhijja, c'est toi qui dois te retenir de prendre de ta peau et de tes cheveux et pas lui. Lui, il est juste, tu l'as juste délégué. Car la récompense du sacrifice, elle est pour toi et pas pour lui. Lui, il aura la viande, alhamdoulilah, ou la distribuera pour toi. Mais le vrai propriétaire de cette viande, c'est toi. Donc les règles s'appliquent sur toi. Ah, donc ça, c'est un tambi à se rappeler. Non. Fa naktafi bi hadha al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته